Autre hommage que j'ai fait, c'est un hommage à New York. J'étais à New York, je vivais chez une ravissante cousine, Park Avenue, c'est comme l'avenue Foch à Paris. Donc, j'ai fait un hommage à Yves Klein, c'est-à-dire que je me suis peint la figure en bleu Klein, et alors que je n'étais pas invité. C'était la première. Tout le monde connaît Yves Klein, bien sûr, le peintre monochrome qui peint tout en bleu. Et donc, sans être invité, je me suis amené au dernier moment et j'ai tourné dans le musée. J'étais en smoking avec un Viva Yves Klein et la tête peinte en bleu Klein. Et voilà, et ça a tout marqué beaucoup de gens parce que pour beaucoup de New Yorkais, j'étais l'homme bleu. Et un mois après, dans les restaurants, les gens venaient me dire, vous êtes l'homme bleu du vernissage Yves Klein. Et c'était l'époque, disons, c'était en 67, donc c'était l'époque des parades fleuries. Il y avait tous les mannequins de New York qui étaient là. Elles étaient à moitié nues, avec des tatouages partout, et tout le monde m'a demandé qui j'étais, mon numéro de téléphone et tout. J'avais rien, moi je faisais ça pour la gloire, donc j'ai raté les occasions extraordinaires. J'aurais eu besoin d'une échelle, parce qu'elle devait toute faire 1m80, donc je n'aurais eu aucune chance. Alors si je parle de New York, c'est pas surtout pour Yves Klein, c'est là où j'ai rencontré Marcel Duchamp. Alors c'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que dans ce moment, parce qu'il est mort, en 68, mais je pensais que finalement, j'avais rencontré une des gens mythiques de l'art. J'ai rencontré un jour avec Bernard Venet, c'est un peintre de l'école de Nice que vous devez peut-être connaître. J'ai rencontré Warhol et sa bande un jour, un soir. Après, j'étais en 72 à Cassel, j'avais rencontré Beuys. Tout le monde, vous connaissez Joseph Beuys, le peintre mythique allemand. Et donc Duchamp. Et Duchamp, c'était un vernissage qui s'appelait de Segal, un peintre américain qui fait des moulages de plâtre. Et donc Duchamp était là. Et là, Duchamp, je l'avais abordé et je lui avais dit un jour, je ferai quelque chose sur votre urinoir, ou j'urinerai sans doute sur cet urinoir. Et il m'avait dit, mais allez-y, au contraire, je vous donne toute ma bénédiction. Donc voilà, donc je fort de ça, ça explique ce qu'on va parler peut-être tout à l'heure. Donc les deux actions que j'ai faites contre l'urinoir de Duchamp à 10 ans de distance, quoi. Un autre acte que j'ai fait, j'avais décidé de faire un acte à Nice. Le maire d'un village me prêtait son village pour faire une sorte de spectacle. Et je voulais tuer un cochon en public, pour prouver qu'on peut tuer un cochon en public, alors que c'est le moment où les bonzes se faisaient brûler vifs, tout ça. Donc pendant un mois, j'ai été tueur dans un abattoir, c'est-à-dire que tous les matins, à 1h30 du matin, j'entrais dans un abattoir près de Saint-Étienne, ça s'appelait Saint-Paul-en-Jarret. Et donc, alors l'abattoir, il commençait tous les jours, il était tout blanc, et on faisait entrer les cochons. Alors la technique, c'était que les cochons, on les mouillait avec une sorte de jet, on les suspendait par la patte gauche, et après, donc, ils passaient devant vous, là, comme ça, et alors on tuait des cochons. Alors pour tuer des cochons, c'est pas évident, faut pas croire qu'on tue un cochon comme ça. En fait, il faut rentrer le couteau. Donc dans la gorge, on monte et on coupe la jugulaire en redescendant. Et à ce moment-là, mais le cochon ne sentait rien, parce qu'ils étaient électrifiés. Mais moi, gentiment, comme j'allais faire un meurtre avec un cochon non électrifié, il ne m'avait pas. Mes cochons, ils ne les électrifiaient pas. C'est-à-dire que je tuais des cochons qui étaient, c'est-à-dire non seulement vivants, mais bien vivants et costauds. Et voilà, et alors petit à petit, le sang montait, et on finissait, disons, chaque matin avec du sang jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'arrivent tous les matins, il y arrivait deux vieilles dames avec vous savez, très chic, avec le lacet noir autour du cou, et qui venaient boire leur verre de sang de cochon tous les matins pour se donner de la force et, disons, et rester en vie et tout. Donc elles buvaient leur sang de cochon comme ça. Et quand je rentrais à la maison le matin, comme ça, pendant un mois, je sentais le cochon, j'avais beau prendre des bains de lait, des bains extraordinaires avec tout. Mes enfants hurlaient quand je les embrassais, les passants descendaient quand je les croisais sur les trottoirs, et ma femme, j'ai pas pu la toucher pendant plus d'un mois, hein, parce que je sentais le cochon. Il faut croire qu'il y a une odeur, peut-être une osmose avec moi sur le côté du cochon, et j'ai senti le cochon j'ai l'impression que je sens toujours le cochon d'ailleurs.